MEV dans vos oreilles. Semaine 19. J'ai du mal à comprendre le principe des souffleurs pour les feuilles mortes. Parce que ça pollue, c'est bruyant. Et là, dans un endroit où il y a plein de temples bouddhistes, il y a ça. Enfin, là, il y a un petit truc qui va pas, quoi. Je veux dire, un bon râteau, un bon balai, ça fait l'affaire. Hein. C'est des araignées. Il y en a partout. Et des singes. Mais ça, on n'en a pas vu encore. Putain, mais il y a des... Là, il y a des déchets, quoi. Ouais. Bon, je vais pas les récupérer, par contre. Non. Bon, alors, on est le combien? On est le 20 octobre 2019. Ok. On a essayé de se lever tôt pour aller visiter le fameux temple où il y avait beaucoup de monde la dernière fois. Donc bien sûr, je me souviens jamais du nom. En fait, je le visualise par écrit, mais alors le prononcer... Enfin, c'est le plus connu de Kyoto, quoi. Oui, Kiyomizu Dera, quelque chose comme ça, je dirais. Et en fait, je pense qu'on a fait une grosse erreur stratégique qui est de venir un dimanche matin en oubliant que les groupes de personnes... de plus de 60 ans, se lave tôt. Et que c'est dimanche. Et que j'avais oublié que dans le guide, il disait qu'il allait plutôt venir en fin d'après-midi, un jour de semaine. Voilà. Donc il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Ouais, mais clairement... Mais beaucoup moins. En avoir, peut-être qu'il y avait un tiers de ce qu'il y avait la dernière fois. Mais ça reste que c'était quand même beaucoup de gens. Bon, là, il n'y a personne, parce qu'on s'est un peu éloigné des temples. Il y a de la forêt bien humide, bien touffue. Et du coup, on voulait faire une petite balade, mais on fera sûrement pas la petite balade dans la forêt avec les araignées et les singes. Ils disent que les singes, ils peuvent t'attaquer, te mordre. Et... Voilà, donc il y a des familles de singes agressifs, toi tu te balades tranquillement et ils viennent t'attaquer, quoi. Et ouais, non, c'est un tout petit sentier et c'est bordé de ces araignées qui vraiment... Voilà, exactement. Autant j'ai réussi à un petit peu combattre cette phobie que j'ai des araignées avec certaines espèces qui sont quand même plutôt inoffensives chez nous. Mais quand tu vois la tête de Salaz, j'ai vraiment pas envie qu'il y en ait qui se retrouvent sur moi. Bah sinon je pense que je fais une crise de tétanie. De panique. Regarde, ouais. Mais là elles sont... Regarde. C'est incroyable. En fait, en plus, elles font des toiles qui sont en trois dimensions, quoi. C'est ça que ça fait des... C'est pas juste plat, quoi. Et quand on vous dit qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Enfin, alors ça va, on peut quand même, marcher sans s'en prendre une sur la tête, mais pas tant que ça. Hein. Donc ouais, ça avait l'air sympa, la petite balade, mais franchement, je suis pas téméraire, moi. Ouais, il y en a une qui fait quelque chose. Elle bouge. Elle est en train de faire sa toile ou de manger, je sais pas. Elles sont... C'est pas encore les mêmes. Elles ont un corps énorme. Bah, peut-être qu'elles et sont... Et des pattes hyper longues, noires et jaunes. Elles vont pondre, bientôt. J'aime pas trop le coussin. C'est vraiment pas qu'on est confronté à de la faune, au final, quasiment, depuis qu'on est parti, parce que tout le reste, c'était quand même très... des petits oiseaux et puis des petites marmottes, quoi. Bah, on a vu des chiens errants, mais... Ah, putain, encore là. Truc à feuilles, là. C'est tellement sympa quand tu visites un temple comme ça et qu'il y a du bruit d'aspiration de feuilles partout autour de toi, plus les gens et tout. Non, mais c'est vrai que t'as du mal à te mettre dans l'ambiance, quoi. Zen, quoi. Enfin, en fait... Et puis, je comprends pas ce principe, quoi. Tu sens que c'est quand même un temple, clairement, de touristes, quoi. Il y a quand même des érables qui commencent à rougir un peu. C'est le tout début, mais on sent que ça va pas tarder. Pas dans un, d'ici un mois, quoi. C'est vrai que ça va être très très joli. Mais alors, apparemment, c'est là, c'est le pic touristique à Kyoto. Ouais. Bon. Parce que ça se comprend. Bien sûr, c'est parce de que c'est toute magnifique. Beauté. Je comprends. Du coup, je sais pas trop si... J'aimerais y être à ce moment-là, quoi. Mais il n'y a pas qu'à Kyoto qu'il y a des érables, de toute façon. Non, mais apparemment, c'est particulièrement avec toutes les pagodes, impressionnant ici, quoi. En tout cas, il y a plein de petits... Que ce soit des temples, des sculptures, des cailloux bouddhistes, il y en a partout. C'est particulièrement joli, c'est vrai que... C'est pas le temple principal... Enfin, c'est pas là où il y a le temple principal que c'est le plus joli, mais c'est que là où on est, par exemple, c'est très joli. Ouais, et puis la petite pagode qu'on voit un peu de loin là au début, on était après, c'est joli. On espère pouvoir faire un free walking tour ou un greeter quand même pour nous expliquer un peu. Je me sens pas. Ici, rien n'est écrit, donc il n'y a pas d'explication. Enfin, ouais, si bah, après c'est normal quoi, enfin, c'est des lieux de pèlerinage, enfin tu vois c'est... C'est non, mais tu pourrais faire un petit dépliant, tu vois, ou un petit truc. Bah, c'est des lieux de culte. Aujourd'hui, je sais pas trop si. Non, mais c'est comme. Enfin, c'est comme Notre-Dame, quoi. C'est un lieu de culte et en même temps, c'est visité. Bon, après, c'est sûrement plus d'explications, peut-être. Mais est-ce que, tu vois, ils veulent aussi. Ouais, préserver tout touriste ? Non, parce que de toute façon, c'est juste. Enfin, beaucoup de gens viennent pour. C'est possible. Pour voir. La beauté de la chose. Mais bon, on a vu une prière bouddhiste que j'ai pu enregistrer. Et puis il y a plein de gens qui viennent, même s'ils visitent, ils sont croyants. Et ils font des petites prières oui, c'est vrai. Avec les grands bols. On a quand même oublié de vous dire que bah, c'était en rénovation, en travaux. Donc il y a un gros échafaudage. Qui est pas moche comme échafaudage, parce que c'est fait de bois. Et c'est impressionnant, c'est énorme. Ça ressemble un peu à la structure du temple, du coup, on dirait un truc un peu sur pilotis. C'est vrai que c'est pas moche. Mais, bah, encore une fois. Voilà, parce qu'on a. En 2020. Ouais, parce qu'on a de la chance là-dessus. Mais alors, bon, arrêtons de râler un peu, parce que vous voyez qu'on râle beaucoup, mais c'est normal, c'est dimanche matin. On s'est levé tôt et on a faim. En revanche, hier, on est allé déjeuner dans un restaurant et dont on n'en a pas parlé. Ça s'appelle... Le sel. Juste à côté de chez nous. Recommandé par mon ancien boss. Et c'était incroyable. C'était fou. Ça nous a coûté 40 euros à deux. Et c'était un menu gastronomique dégustation, quoi. Enfin, un truc et que tu paierais 50 balles par personne en et France. Et de lequel tu sors et t'es rempli, quoi. C'était... Et on était que tous les deux. Ils cuisinaient que pour nous. Ouais, non, mais c'est divin. C'était encore incroyable. Une fois, c'était des saveurs encore exceptionnelles. Ouh, faut remonter encore. Je suis au musée du manga. Et dans la pièce principale d'exposition, il y a, depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, des tonnes de mangas qui sont disponibles à la lecture. Ce qui est juste fou, quoi. C'est quand même... C'est une bibliothèque en même temps. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a une frise chronologique sur un petit peu sur le type de magazine de manga, les cibles entre depuis les enfants jusqu'aux adultes. Et il y a des couvertures de magazines qui sont hyper olé-olé, quoi, on va dire, pour des publics jeunes ados, quoi. C'est très particulier. Je trouve que dans les années 60, le manga est devenu un sacré phénomène d'expression pour les jeunes adultes, donc les étudiants qui protestaient, hein, notamment contre la guerre du Vietnam, par exemple. Et donc il y a commencé à y avoir des écoles, et il y a eu une vague d'auteurs qui ont commencé dans cette période. Animé japonais, c'était donc Astro Boy, qui dure 30 minutes, qui date de 1963, et comme il y avait un tout petit budget, au lieu de faire 24 dessins par seconde, ils en faisaient que 8. Ce qui fait qu'il y a cet effet un petit peu saccadé dans l'animation. Et traditionnellement, donc c'est ce qu'ils appellent c'est l'animation limitée. Le marché du manga, c'est juste complètement dingue, en fait. Entre les magazines et les livres manga, c'est environ 450 milliards de yens, 4,5 milliards d'euros, on va dire, environ. C'est plus que l'industrie de Walt Disney au Japon, enfin, tout ce qui est parc d'attractions, tout ce qui est McDo et compagnie, et c'est autant que le marché des fringues diverses et variées, je pense. Il y a un magazine qui s'appelle Shonen Jump et qui est vendu toutes les semaines à 2 900 000 exemplaires. C'est un truc de malade. C'est marrant de voir comment il y a des grands dessinateurs de BD franco-belges qui ont influencé les dessinateurs de manga, notamment Moebius. Les auteurs de manga sont soumis à des grosses pressions, je pense, parce que des magazines comme Weekly Shonen Jump, il faut qu'ils dessinent 19 pages par semaine. Du coup, comme il y a plein de mangas qui sont à disposition et qu'il y a plein de banquettes pour bouquiner, il y a vraiment tous les âges qui sont en train de lire. C'est assez marrant à voir. Je suis devant une exposition qui est assez rigolote, toujours au musée du manga. C'est des mains d'artistes réels qui ont été moulées dans du plâtre, et qui sont venus en fait ici. Et il y a notamment la main de Pénélope Bagieu, Arthur de Pince, Guarnido. Ça c'est des auteurs que j'adore. Ils ont même la main de Moebius. Il y a sûrement des auteurs et des autrices de manga, mais qui sont pas traduits, donc je pourrais pas vous dire le nom, vu que j'en connais aucun à part Taniguchi. Il y a une expo sur Alphonse Mucha et ses tableaux, ses illustrations qui ont inspiré les dessinateurs et les dessinatrices de les shoujo, qui sont les mangas pour les filles, entre guillemets. Et c'est vrai, quand on voit certaines affiches, c'est des poses qu'on voit souvent dans les mangas, en fait. On est le 22 octobre 2019. On est dans les jardins du palais impérial. On est enfin sorti de notre quartier. Moi, je suis sorti hier de mon quartier. T'as pas voulu m'accompagner. On est allé à la gare aussi, mais c'est pas... Et nous sommes dans un des sanctuaires, lieux de culte. Shinto, parmi tant d'autres Akuto. Parmi des millions, hein, parce qu'il y en a partout, clairement. Il y en a partout. Que ce soit des temples bouddhistes ou des lieux de culte Shinto, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ce qui, du coup, fait des petits écrins de calme et de verdure dans la ville qui sont très agréables. Mais on peut entendre, c'est très calme. Vous entendez ? Enfin, il y a des animaux qui font du bruit, mais ça... Ouais. La nature est une bruyance. Hier, on a retrouvé mon ancien boss. Ouais. Lui qui est habitué à venir tout le temps à Kyoto. Qui souvent, d'ailleurs, très souvent au Japon, je sais même pas combien de fois il est allé. Mais il connaissait même pas le petit restaurant qu'on leur a fait découvrir, qu'on a découvert nous, le premier soir. Il y a Kitori. Torisai, d'ailleurs, ça s'appelle. Ok. Voilà. Et ben voilà, si vous allez à Kyoto, allez à Torisai. C'est super bon. Ils sont super gentils. Mmh. C'est cool. Et voilà, donc là, nous sommes donc dans ce parc. C'est très très beau. C'est très grand, il y a des grands espaces pour marcher. Et des arbres qui sont immenses, parce qu'ils doivent être... Pluricentenaires, je pense. Pluricentenaires, exactement. C'était le mot que je cherchais. Nous sommes sous une porte tori. Enfin, sous une tori. Un tori. Tori. Je crois que c'est un... Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est le portail entre les mondes des vivants et le monde de l'au-delà, quoi. Le sacré. Le profane et le sacré. Oui, et c'est, ils parlaient aussi de l'au-delà et... L'au-delà. Voilà. D'accord. Ils aiment les chouettes. Ils aiment les petits animaux, tout quoi. Ouais. Enfin, il y a plein de petites bestioles, des petites statues en forme d'animaux, tout ça, c'est trop bien. Il y a une énorme feuille de ginkgo juste à mes pieds. Elle est énorme, j'ai jamais vu une feuille aussi. Ça veut dire que... Là, il est juste là. Ouais. Ils sont pas très touffus, c'est rigolo. Ils sont... Il y a des grands troncs, ils sont... Ils sont élagués, je pense. Sûrement. Mais à cette période, en France, ils sont déjà jaunes, je pense. Et là, ils sont encore bien verts, quoi. Bah, en même temps, ici, l'automne pour les arbres, c'est fin novembre, on l'a dit, donc... Ouais. Là, il fait chaud aujourd'hui, hein. Ouais. Donc, il y a le soleil. Oui, tout à l'heure, on a vu un temple. Alors, on va pas vous redonner le nom parce que, bien sûr, c'est trop compliqué à se rappeler, hein, tellement. Mais un temple bouddhiste, un monsieur qui avait tué par mégarde un daim. Ah oui, oui, c'était le temple du cuir. Voilà, parce que il avait donc tué par mégarde un daim et il avait pris sa peau pour il l'a portée pour se rappeler. Ouais, et parce que ça l'a tout chamboulé, quoi. Vu qu'il était bouddhiste. Oui. Et apparemment, le temple est recouvert de cuir à l'intérieur, mais comme on n'est pas rentré dedans, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est vrai qu'ils ont tué des animaux pour faire le temple. Bravo. Qu'est-ce que tu sais, moi ? On va voir des daims bientôt. On va voir des daims bientôt. Des daims. On va doucement se diriger vers le palais. Et aujourd'hui, il y a plein de drapeaux japonais qui sont sortis. Pourquoi donc ? Ah, je sais pas, c'est le couronnement de l'empereur, c'est ça ? Ouais. Pas la deuxième cérémonie du couronnement ou un truc comme ça ? C'est le couronnement officiel, enfin, c'est partir d'aujourd'hui qu'il est... La nouvelle ère a commencé début avril. Et aujourd'hui, là, c'est son intronation. Intronation ? Intronisation. Intronisation, ça fait deux fois que je... Et on se demandait si ça allait pas être... Fermé. Ouais, fermé, et puis... Ou bondé, enfin, l'un ou l'autre, quoi. De... Parce qu'a priori, ils sont... c'est un événement, quoi, pour eux. Bah, je comprends en même temps. Ah non, mais oui, oui. Quand la première cérémonie, a priori, c'était des gens par milliers venaient, et toutes les demi-heures, a priori, l'empereur venait pour saluer la foule. Enfin, c'est tout un rituel qui est assez particulier. Et je ne me suis pas encore renseigné sur un peu le système politique, comment ça fonctionne, un empire de nos jours, quoi. Tu vois, ça m'intrigue un peu. C'est fou parce que on a beau se dire que on est en voyage et qu'on a le temps et que du coup on pourrait se renseigner sur plein de trucs. T'es vite pris par le cours des choses, tu vois plein de choses et tout ça, mais on a du mal à aller creuser, tu sais, certains sujets, notamment sur la politique. Ouais, parce que c'est déjà pas un truc qui nous passionne, c'est peut-être pour ça. Non, c'est pas ça, c'est que à chaque fois qu'on se dit, faudrait qu'on. Enfin, on se pose la question, on est dehors, on n'a pas accès à Internet, donc. Et quand on rentre, on oublie complètement. Parce qu'on va manger et que voilà, quoi. Ah oui, c'est le plus important en même temps, c'est la survie. Mais on va un petit peu creuser la question, parce que ça, c'est intéressant. Se cultiver un peu, quoi, parce que c'est bien beau de voyager et de voir des trucs, mais bon. On fait quoi, là, hein? Et on vous a pas dit, mais on a prolongé notre séjour à Kyoto, encore? Non, on n'a pas dit. Jusqu'à dimanche. Mais après, c'est bon, on a réservé ailleurs, à Nara, donc on sait qu'on va être obligé de bouger. Donc on sait qu'on est obligé de visiter les trucs. Parce qu'il pleut. Aussi, toute cette semaine et que. Oui, Nara... et puis surtout qu'on n'avait pas eu le temps de finir de visiter tout ce qu'on voulait, vu qu'on n'avait pas commencé avant hier. Aujourd'hui, on a prévu de faire deux choses en une journée. On va faire le chemin de la philosophie après. Puisque ça relie quasiment le palais impérial avec la. Tu te calmes. Okay, mais d'accord. Oui, c'est quasiment le. C'est au même niveau de la ville. Mais avant, il va falloir aller manger. Oui, ça c'est. Ça fait trois fois qu'on parle de bouffe. Depuis que t'as allumé le micro ? Ouais. Ah, parce que c'est le truc le plus important de notre vie. Est-ce que t'as raconté que Nam t'avait offert des chocolats ? Enfin, Nam et Sarah t'ont offert des chocolats délicieux. Bon, ils nous ont offert à nous. Parce oui, qu'en fait, ils nous avaient conseillé un... Vous avez vu, il est bourrien ? Oui. Une boutique spécialisée dans le chocolat qui s'appelle... Cacao Magique. Cacao Magique, exactement. Et on avait décidé d'y aller. Sauf que... on n'a pas eu le temps. Et hier, ils y sont allés et c'était le dernier jour. Après, elle fermait parce que elle allait faire des salons du chocolat à Tokyo. Donc, je suis un peu déçu de pas... Mais bon, quand on reviendra un jour à Kyoto, on ira. Et ouais, ils nous ont fait des chocolats, mais qui sont juste absolument... C'est du chocolat cru ? Donc c'est une technique particulière de chocolat. C'est la première fois que j'ai goûté ça. Et c'est vrai que moi qui n'aime pas trop le chocolat noir, clairement, là, il n'y a pas du tout d'amertume, enfin très peu d'amertume, c'est différent, quoi. Il n'y a pas d'amertume, mais en même temps, c'est pas sucré. Donc c'est pas non, comme mais au du... Japon, rien n'est sucré. Hein. Je pense qu'ils ont doit avoir un palais qui n'est pas fait pour le sucre, parce que même les pâtisseries qu'on mange, quand on en mange... Ouais. Là, ce matin, j'ai mangé une tarte au marron. Clairement, en France, ce genre de truc, c'est très très sucré, assez écœurant. Alors ça peut être agréable quand même, parce que nous, on est habitués à manger assez sucré. Mais là, ça l'était pas du tout. Et l'autre truc, je sais pas, il y a plusieurs choses qu'on a mangées. À chaque fois, on se dit, c'est un dessert, mais... Donc, tu sens que c'est un petit peu sucré, mais pas du tout écœurant, très agréable. Bah, tu sais, c'est comme par exemple les mochi à base de haricots sucrés. Ça s'appelle sweet beans, je sais pas en français. Et c'est vrai des haricots rouges, hein, je crois. Mais oui, mais ils n'ajoutent pas de sucre. Ah, enfin, non, c'est naturellement un peu sucré. Mais c'est un petit peu sucré et pas tant que ça. Ce qui fait que c'est bon, mais t'es pas. T'as pas cette sensation. Enfin, moi, j'aime pas manger très sucré. Après, t'as la bouche pâteuse, t'as hyper soif. Enfin, ouais. C'est écœurant. C'est pas, franchement, c'est pas très agréable quand c'est trop sucré. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Les mochis qu'on a mangés à la châtaigne encore là, qu'on avait acheté au supermarché, c'était délicieux. Enfin, c'est vraiment. Tuerie. Bah, alors, oui, les mochis, c'est des petites boules avec une pâte. Je pense à base de riz gluant. Oui, riz gluant, ouais, je crois. Et c'est absolument délicieux. Voilà. Bah, on est au Japon. La texture est très très agréable. En plus, moi j'aime bien cette texture un peu molle, élastique là. Et à l'intérieur, t'as un petit cœur de quelque chose, c'est parfumé. Que ce soit des sweet beans, soit là, en fait, c'était un truc avec de châtaigne. T'as différents trucs, mais c'est pas mal du tout. Yes. Oh, tu vas me donner faim, tout ça. J'ai déjà faim, moi, donc... C'est immense, ça fait vraiment... le même genre de cité impériale qu'en Chine, quoi. On est sur le même... Ouais, ou à Hue, enfin, architectural. Ouais. Avec les montagnes derrière, c'est vraiment joli, quoi. Là, franchement, tu fais un tour à 360 degrés, t'as pas l'impression d'être au milieu d'une ville, quoi. Non. C'est vraiment... Il y a peut-être une tour télé juste là. Ouais, mais ça reste... tu vois, les arbres sont tellement grands, ouais. Tu vois pas du tout à l'extérieur du parc. Tu vois les montagnes au fond, ça pourrait être au fin fond de la campagne. Et je sais plus, c'était... Quand est-ce que c'était? Je pense que c'était avant-hier. On a vu la brume dans les montagnes. Enfin, on serait cru dans un dessin de... Japonais. Nous sommes sur le chemin de la philosophie. On va bientôt être tranquille, je crois. Il n'y aura plus de voitures après. Ça reste relativement calme, même s'il y a les voitures qui passent. Ça donne envie ce soir de faire la sieste. Et oui, là on est devant un petit, comme un petit hôtel, avec des petites statues qui ont une sorte de tablier rouge. Des fois il y a des tabliers blancs. Est-ce que ça fait pas toujours bizarre dès qu'on voit une svastika? Oui. Bah, heureusement qu'on le sait, quoi. Oui, que c'est du coup lié à la religion. Parce que si... Je l'ai su il n'y a pas si... Enfin, si, il y a... Enfin bon, je ne le sais pas depuis toute ma vie, quoi. Donc je pense que si j'avais visité le Japon il y a 10 ans, je ne devais pas le savoir. Ça m'aurait un peu perturbé. Parce que c'est assez présent partout, quand même. Bah, au final, tu trouves? Ah oui, j'en ai vu sur des lampions, des restaurants, des... C'est plus shinto que bouddhiste, je pense, non? Non, je crois que c'est bouddhiste. Hein. Ah, c'est bouddhiste. Il me semble que c'est bouddhiste, mais je... C'est peut-être les deux, je crois, hein, l'empreinte. Il y en a beaucoup en Inde aussi, donc... Non, mais ça vient de l'Inde, en vrai. C'est un... De quoi? La svastika? Bah oui, mais donc ils sont pas shinto en Inde. Ils non, sont non, mais hindouistes qui viennent du bouddhisme. D'accord, l'hindouisme est une branche. Je crois que c'est une branche du bouddhisme. D'accord. Enfin, c'est pas une branche, c'est un non, dérivé, c'est pas... quoi. Mais sûrement que c'est lié de toute façon. Parce que... Est-ce que les petites statues qu'on a vues comme ça au Kiyomizu-dera, au grand temple où il y en avait plein là, qui c'était hyper joli, qui avait des petits tabliers aussi, c'était des petites têtes de Bouddha. Enfin, c'était là, on n'arrive pas trop à discerner ce que c'est les statues parce qu'elles sont un peu creusées, effacées. Mais les autres, c'était plein de petits Bouddhas. Donc c'était bouddhiste. D'accord, je pense. Et ça promet d'être assez mignon cette balade. Des philosophes. La philosophie. Il est un petit peu tard, puisqu'on. Enfin, voilà, et que souvent, en fin d'après-midi, il y a moins de monde, quoi. Donc je pense que ça va être plus calme que le matin. J'aime bien la lumière, là, qui commence à baisser. La lumière est très très jolie. Il commence à y avoir des lumières qui s'allument. Donc on longe un canal. Le ramène avec. C'est les petits bonsaïs qui te font cet effet. C'est beaucoup trop mignon, mais regarde-moi ça. Devant le restaurant, il y a une petite table en bois. Et sur cette petite table en bois, il y a des petites boules de mousse dans des coupelles. Et il y a des petits bonsaïs, du coup, qui sont plantés dans la mousse. Nous avons des petits érables, tout ça, c'est très très mignon. Ah, les petits érables sont assez chauds. On est allé dans une boutique de papeterie japonaise tout à l'heure. Ça donnait envie, hein. Il y a des beaux papiers. Hein. C'est du papier vraiment magnifique. Ouais. Que ce soit du papier. Papier, je veux dire, fait pour écrire, donc assez épais, un peu fibreux et tout ça, qui est très joli. Mais aussi des papiers un peu brillants, avec des motifs, un peu comme ce qu'on a vu au musée de la poésie. Et dans cette papeterie, il y avait aussi des plein de sortes de tailles de pinceaux. Différents, notamment des énormes pinceaux. C'était... Hors de prix? Ouais, bah c'était à 180 euros le pinceau, qu'est-ce que tu veux. Mais vu la taille du truc et... 700 euros, t'en as vu. 700 000. Ah, oui, il y en avait un à 700. Ouais, ouais. Ça se tient. Bah, ça fait comme un... C'est vrai que ça peut servir de balai. Oui, c'est ça. Alors là, on est dans le Montmartre touristique. Plein de petites boutiques. C'est moins que quand tu payes autant. Attention, là il y a des manias, tu rappelles des pins. Toujours à la recherche de son pins, hein. Mais oui, mais je sais pas pourquoi, j'ai une obsession là. Ça a l'air chouchou. C'est quand même trop mignon. Il y a du kawaii. Ah ouais, ça y en a un paquet. Petit succès, zéro déchet. Je suis contente. On a réussi à acheter des rice balls sans emballage plastique, parce qu'il y en a partout des rice balls. Hein. C'est des espèces de petites, soit des boulettes, soit des triangles, pardon pour le vent, enroulés dans des feuilles d'algues nourries classiques. Et dedans, il y a soit rien, soit un peu de saumon, soit un peu de thon, soit tout un tas de trucs différents d'ailleurs que tu peux avoir. Et donc j'en avais goûté une quand on est arrivé le premier jour à la gare. Ouais. C'était très très bon d'ailleurs, mais c'était emballé dans le plastique. Et là, on a vu qu'il les faisait un peu genre minute et tout. On a tenté dans la petite boîte, nickel. J'ai deux petites rice balls, zéro déchet. Qui m'ont coûté en plus pas grand chose, enfin du coup c'est pas très cher. Et ça va être assez nourrissant je pense pour ce soir vu qu'on a bien mangé ce midi. Parce qu'on vous a pas raconté où est-ce qu'on avait déjeuné. Ah oui, on a déjeuné à 15h. Oui. Et donc du coup je suis trop contente parce que c'est vrai que là c'est toujours un peu la... C'est un peu une bataille permanente quoi contre les emballages quand même. Oui, ce midi on a mangé au Falafel Garden, donc pas du tout local, hein, mais une adresse recommandée par le Routard où il y avait du coup beaucoup de Français. Et c'était très très bon. Du coup on s'est un petit peu baffré. C'était super bon. Là, ben, on a voulu aller au temple d'argent et ça fermait un quart d'heure. Pavillon d'argent. Pavillon d'argent, excusez-moi. Oui, on est arrivé 15 minutes trop tard. Bah oui. C'est un des trucs qu'il faut absolument faire apparemment à Kyoto qui est magnifique et hyper grand. Enfin, c'est un grand espace avec plein de temples. Voilà, donc là, il y a plein de petits bouddhas avec leur tablier rouge ou blanc. Alors, les bouddhas qui ont des tablier rouge, parfois blanc, et aussi des fois des bonnets. C'est en fait le Bouddha Jizo, qui est censé protéger les enfants, mais aussi les voyageurs. Et donc c'est pour ça qu'on croise souvent au bord de chemin et de route. On vient de voir un raton laveur. En pleine ville. On est en train de... Donc on a fini le chemin de la philosophie. Et là on se balade un peu dans les ruelles pour rentrer chez nous. De nuit. Et du coup j'ai vu une petite bête qui ressemblait à un chat mais qui n'était clairement pas un chat. Enfin non, en termes de taille quoi, ça ressemble à un chat. Du coup il y a une petite tête de raton laveur. Et il avait l'air intrigué, il avait envie d'aller. Ouais. Tu m'as dit que c'était méchant, du coup j'ai pas le... Je sais pas si c'est méchant, mais en tout cas je pense que si tu vas vers lui qui sent agressé, un peu comme notre chat, eh ben ça... Mais enfin, globalement comme tout le monde, enfin, tu sais... Comme moi je mords, hein, si on... Si tu te sens agressé, t'attaques. si on s'approche trop près de moi... Bon, on peut dire que cette petite balade est quand même très jolie. On était sur le chemin de la philosophie, donc c'est un petit peu en hauteur. Et on surplombait un peu la ville... Avec les lumières et le soleil couchant en loin. Avec personne. Ce que nous on aime quand même globalement, bah, voir ouais. Personne. Parce que je pense que la journée c'est très très très très très fréquenté parce que c'est ouais. Le truc touristique à faire à Kyoto. Donc bon, bah, qui dit touriste dit bruit, enfant, tout ça. Enfin bon, ça va avec. Non mais c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. On a vu tout à l'heure hein, que les plus bruyants c'était pas les enfants. Où ça ? Des gens qui gueulaient dedans. Non, des touristes chinois qui gueulaient dans la rue. Oh là là là là, mais c'était très très bruyant ces gens. Tu sais, t'avais le calme de la ville et puis d'un coup, t'as cette agression sonore. Nous sommes sortis du musée de la photographie de Kyoto, qui est plutôt... clairement pas un musée, mais plutôt une galerie. Qui vend des photographies, qui expose et vend des artistes. On vient d'avoir une expérience artistique incroyable. Une émotion... comme ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu. Et sur lequel on est d'accord. Quoi. Surtout pour de l'art. Enfin, bon, parce que moi, il y a plein de trucs que je trouve très jolis, mais pas de là, est-ce que ça te... Tu vois, se secoue, quoi. Là, ça secoue, quand même. Alors, c'est un artiste, un photographe, artiste, néerlandais, qui était là. Oui, c'était le vernissage. Nous, il était, ça fermait à 18h30. Ouais. À 18h20, on est rentré là-dedans un peu en se disant « Bon, bah, c'est gratuit, on va faire un petit tour parce que voilà, quoi. » D'ailleurs, je voulais même pas y aller, donc je m'y accoule pas. Donc, par hasard, finalement, quelque part, vu qu'on passait devant, moi, j'ai insisté pour on est maintenant, quoi, parce que vu que c'est à une heure de marche de là où on est, puis après, on sera vraiment loin. C'est juste qu'en 10 minutes, je me suis dit « Bon, c'est un peu précipité, quoi. Tu marches rapidement, t'as pas trop le temps et tout. » Bon, c'est vrai que ça avait l'air petit, donc je me suis laissé tenter. Grand bien nous en a pris. Et donc, en fait, c'est assez incroyable. C'est un travail où... il y avait deux séries de photos. Une sur du travail en noir et blanc avec des modèles noirs, et ça s'appelait Dark Skin ou Black Skin, je sais plus. Et c'était juste magnifique. Enfin, parce que, à la fois les poses, les regards. Enfin, c'est. Le nom de l'artiste, tu l'as ? D'ailleurs, il s'appelle comment ? Dirk Lambrecht. Voilà. Je vois pas du tout bien le prononcer, mais. Non, c'est ça. Et un autre travail sur les nuages en couleur cette fois, mais on aurait dit des aquarelles en fait. C'est parce que le photographe a fait des photos magnifiques, mais ce qui donne toute la particularité de ça, je te laisse continuer. Ah non, vas-y, j'ai introduit là. C'est que du coup les photos sont peintes, elles sont presque peintes. Donc les photos sont imprimées sur du papier japonais, un peu granuleux, un peu épais et tout ça. Imparfait. Tout à fait. Qui donne du coup un relief et un grain, enfin... Une âme à la photo. Une dimension à la photo incroyable. Vraiment, enfin... Parce que c'est la même chose peint sur du... je vais pas y arriver. Imprimé sur du papier normal aurait été très joli, mais je suis pas sûre qu'il nous aurait procuré ça. Donc là, c'est vraiment l'assemblage des deux qui fait que c'était dingue. Il est vraiment dingue, quoi. Et, coïncidence, on en parlait aujourd'hui. Ah non, ouais. Mais vu que c'était le vernissage, il y avait du coup le fabricant du papier, quoi, en question, qui était là. C'est une usine qu'il y a depuis hyper longtemps dans la famille d'une dame japonaise, du coup, qui est mariée avec un européen, donc je sais pas quel qu'il était parce qu'il nous a parlé en anglais, mais je ne saurais dire de quelle nationalité il était. Et donc vas-y. Et ils sont. Cette fabrique est basée à Shikoku. Ce qui fait que. Oui, sur l'île de Shikoku. Et comme on a prévu d'y aller la semaine prochaine, et que leur fabrique est ouverte au public et que tu peux la visiter, tu peux participer à des ateliers, il y a des résidences d'artistes, donc il y a des mecs qui y sont. Pour travailler, quoi. Ça tombait juste super bien, parce qu'on en a parlé ce matin. Parce qu'on est rentré ce matin dans un vendeur de papier, ce qui nous avait nous rappelé qu'on en avait déjà parlé la semaine dernière, d'ailleurs, qu'on visiterait bien une fabrique, pas forcément une usine à grande échelle, mais une fabrique de papier artisanale, parce qu'on avait vu un reportage sur ça, alors on se souvient plus dans quelle émission c'était, Échappée Belle... une émission sur les trains, bon, on sait pas trop, mais c'était hyper intéressant de voir comment ils faisaient, et on s'est dit qu'on visiterait bien ça ici, quoi. Et bam ! Les coïncidences de la vie. Mais oui. Formidable. Il nous a dit, venez voir, et vous verrez peut-être quelqu'un qui est en train de fabriquer des feuilles qui font 2 mètres par 2 mètres. A priori, c'est un truc qu'on voit relativement impossible, quoi. Enfin, sauf bien sûr dans des grosses fabriques industrielles, mais bon, là, c'est... Mais pas avec ce papier-là, enfin, ce style de... De façon artisanale aussi, quoi, parce que bon, t'imagines... Non, c'est... J'ai hâte d'y aller, quoi. Ça m'excite beaucoup, cette histoire. Oui. Voilà, donc on a toutes les informations. Donc nous allons aller visiter une fabrique de papier. Qui s'appelle ? Awagami Factory. Il n'y a pas à dire les voitures électriques... C'est quand même agréable à l'oreille. Oui, ouais, en termes de pollution sonore, c'est vrai que... Ouais. Mais par contre, ça reste pas écolo dans tous les cas, hein. Malheureusement. Non, ça fait du bien à nos oreilles. Ah. Là, si les gens pouvaient faire comme nous et marcher, ce serait bien aussi. Ou le vélo. Oui, bah après il y a énormément de vélos. Hein. Enfin, oui, franchement, vélo, oui. À Kyoto, c'est, je sais pas si on... je me souviens plus si on en a déjà parlé, mais il y a des pistes cyclables partout, enfin ou en tout cas les trottoirs qui servent pour les piétons servent aussi de. Ouais, c'est pas vraiment des trottoirs en fait. C'est assez intéressant. Du coup, ce qui permet que ce soit et pour les piétons et pour les vélos. Et pour les voitures. Bah non, là c'est pas pour les voitures. Non mais si, parce qu'elles peuvent empiéter, elles peuvent se garer et elles se garent. Non mais ce qui bloque pas forcément. Ça permet de pas bloquer la circulation des fois, enfin tu sais quand t'as des trottoirs, bah, les voitures elles sont limitées si t'as besoin d'éviter un obstacle ou autre. Là c'est une ligne blanche en fait qui délimite la rue en, avec deux trottoirs et une voie principale pour les voitures. Enfin ou deux voies pour les voitures. Et donc du coup il y a énormément de vélos parce que la ville, même si là on remarque que c'est assez dénivelé, mais globalement il y a quand même plein d'endroits qui sont plats. Du coup il y a des vélos partout quoi, c'est trop chouette. Donc là il y a un bar où il y a la place pour 3 personnes dedans, pas plus. On est allé faire quelques petites courses dans un petit supermarché qui s'appelle Fresco et qui a beaucoup plus de fruits et légumes, beaucoup plus, comparé, non mais ils ont aussi beaucoup de fruits et légumes emballés dans du plastoc, mais ils en ont quand même plus que l'autre. Où c'est en vrac, entre guillemets. Enfin non, pas entre guillemets, en vrac tout court. En vrac, c'est juste que pour nous, les fruits et légumes, c'est normal que ce soit en vrac. Ah, du coup, on a essayé de faire des petites courses pour être sans plastique, à part le pain. On a été obligé de prendre avec du plastique. Mais ça on peut va faire mieux la prochaine fois. Oui, oui, il faudra qu'on trouve une petite boulangerie. Et surtout qu'on utilisera ce sachet plastique pour... Enfin, une poubelle, si on fait du clean walking. Pour essayer de petit déjeuner à l'hôtel, enfin dans notre chambre ou dehors, on ne sait pas trop, mais bon voilà. Et pas payer 35 € à chaque fois qu'on va petit déjeuner, quoi. Parce que bon, c'est sympa, mais voilà. Du coup, on a acheté aussi du café. On paye pas 35 € à chaque fois qu'on va petit déjeuner, mais c'est juste que quand on y reste pour travailler et qu'on prend. Plusieurs cafés et tout ça, enfin ça va très vite quoi. Nous sommes le. Je sais pas. 23. Nous sommes 2019. Et on est en train de faire le free walking tour. Et on a appris des choses intéressantes. Mais pas tout de suite parce qu'il parle. On s'apprête à rentrer dans le. Psycho Shrine. Ah oui, mais du coup, comment on traduit en français ? Enfin, tu vois, lieu de culte Shinto, on va dire le temple Shinto. Oui, on va dire temple Shinto. Disons ça, j'espère qu'on ne froissera personne en disant ça. C'est genre le plus gros temple Shinto de Kyoto, hein, il a dit. C'est très bien. En tout cas, le plus vénéré. En tout cas, c'est beau. Là, on passe sous la porte Tori du temple. Ça, c'est incroyable, il y a plein de lampions à l'intérieur. Il y a des. Plus joli le soir que la journée, je pense. C'est clair. Autour, il y a des salons de thé. Et ils disaient que certains le soir devenaient des nightclubs, mais j'ai pas l'impression que ce soit bien ouvert. Ça m'a l'air calme pour être des nightclubs. Mais... En tout cas, ce temple est donc dédié au quartier de Gion, dans lequel nous sommes depuis le début, quasiment. On n'est pas vraiment. On dort pas dans le quartier de Gion. Non. Non. Mais à côté. Mais on est juste à côté. Et c'est quand même très très beau. Donc ce temple Shinto n'a aucune subvention de l'État. Comme tous les temples Shinto du Japon. Et bouddhistes. Ce qui fait que bah, du coup ils font appel à des donateurs privés qui sont a priori quasiment beaucoup des enseignes du quartier. Et donc, chaque enseigne a son petit lampion. Ce qui fait que c'est joli. Ce qui fait que c'est entretenu, quoi. Tout à fait. C'est assez impressionnant, quoi. C'est très très grand. Voilà, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ouais. À Kyoto, les geishas ne s'appellent pas des geishas, mais des geiko. Et elles sont originaires de Kyoto. Ça a été créé ici. Elles s'appellent geisha à Tokyo, notamment, je crois, et peut-être dans d'autres villes. Et donc elles ont une formation, enfin, à 15 ans à peu près, En gros, si elle décide de devenir geisha, geiko, pardon, elles vont frapper à la porte d'une maison, quelque chose comme ça. En gros, quelqu'un qui va s'occuper d'elles, les nourrir, les loger, les habiller, leur faire leur éducation, enfin en tout cas les aider à faire leur éducation. Mais elles, ensuite... elles ne leur apprennent pas à être une geiko. Non, non, mais qui leur dit où aller pour apprendre à être une geiko, quoi. Enfin, qui organise un peu leur vie, quoi, quand elles sont jeunes. Et ensuite touchera une partie des bénéfices, du coup 30% des bénéfices pendant tout le long de la vie de la geiko. Et donc elles passent 6 ans dans cette maison où elles vivent, quoi, pour devenir, en étant apprenties, en gros. Et donc elles sont, pendant ce temps-là, elles sont appelées Meiko. Et à 21 ans, elles quittent la maison pour aller monter leur propre business ailleurs, quoi. Mais du coup, en reversant les bénéfices toujours à la personne qui leur a permis de devenir geiko. Elles divertissent, ouais, c'est ça. Elles divertissent, donc c'est des chanteuses, c'est des danseuses. Pour la cérémonie du thé, elle joue de la... C'est peut-être des petits trucs locaux, je sais plus quel est le nom de cet instrument dont il a parlé. C'est les... Souvent les riches businessmen qui peuvent se le permettre, et surtout c'est elles-mêmes qui choisissent. Elles ont le droit de refuser, complètement le droit de refuser. Oui, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est plusieurs milliers d'euros l'heure. Ouais, enfin, de dollars. J'ai pas le montant exact. Non, parce qu'il a dit que c'était un chiffre, quatre chiffres, enfin non, à quatre chiffres. Si tu cherches le prix, c'est que tu peux pas te permettre. C'est pas à la portée de tout le monde. Non, et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il nous expliquait que quand tu peux te permettre d'avoir une... Quand t'es accepté par une geiko en tant que client, bah, c'est un peu genre t'as réussi dans la vie, quoi. Parce que déjà, c'est que t'as le moyen de le faire, et en plus, c'est que t'es quelqu'un de suffisamment estimable pour qu'elle accepte de te prendre comme client. Parce que à Kyoto, il y en a que quelques centaines. Alors c'est pareil, j'ai pas réussi à choper le chiffre. Je sais que c'était quelque chose 100. J'ai pas réussi à choper le chiffre. Donc c'est pas tant que 106, ça. 106, il me semble. T'as dit 106 je sais pas, parce qu'on n'entendait rien. Donc ouais. C'était vraiment toute la partie qui était intéressante, mais enfin, le reste était intéressant aussi. Mais on n'entendait pas très bien, quoi, parce que c'était vraiment bruyant. Par contre, le quartier. Cette partie du quartier est vraiment très jolie, qu'on vient de découvrir, et la nuit en plus, avec des lumières tamisées, les lampions. On a appris ce que c'était, les petites statues de Tanuki. Et ben c'est... c'est un porte-bonheur de business, quoi, enfin de commerce. Il a un bon gros ventre. C'est qu'il a bien mangé, il a une petite fiole avec du saké toujours à sa gauche. Et il a une poche, enfin un petit sac avec plein de monnaie, enfin de billets, à sa droite. Et le zizi a l'air. Oui. En gros, il a réussi, il profite de la vie, quoi. Ouais. Et puis ensuite, on est allé se balader pas très loin de chez nous, hein, du coup. De toute façon, c'était pas très loin de chez nous. Non, tout ça a été à un quart d'heure autour de chez nous. Donc là... La pagode, il y a la grande pagode qui est assez emblématique de Kyoto, qui est donc bouddhiste. Sur 5 étages. Qui est très jolie la nuit, enfin vraiment, c'est hyper impressionnant. Je trouvais que de jour déjà c'était assez joli, mais ça a tellement plus de charme. Là. Et il n'y avait pas grand monde. De jour, quand on l'a vu, il y avait beaucoup de monde et il pleuvait. Donc on n'était pas tout à fait focus aussi sur... Oui. Tu vois. Et puis on cherchait pas du tout ça, surtout. Ouais, donc là, complètement par hasard, on cherchait un Starbucks, comme quoi. Et quand on a fini par voir, c'est vrai qu'il était complètement caché et très beau dans une vieille maison. En fait, il y a plein de vieilles baraques. Vraiment, c'est magnifique. Enfin, et de ce qu'il disait, c'est que Kyoto, c'est l'opposé de Tokyo. Il faut en sorte de rester l'opposé de Tokyo, quoi. Il parlait de la hauteur de plus grand building. Il utilisait un métrage que je ne comprenais pas. On va dire 11 étages, pour dire... c'était pas ça qu'il a utilisé comme mot, mais on va dire que c'est l'idée, parce qu'en fait, la porte d'entrée de la ville, initialement, fait cette hauteur-là, et donc du coup, tu n'as pas le droit de construire au-delà de cette hauteur. Et tu n'as pas le droit d'avoir des néons et des trucs comme ça au-delà du deuxième étage des immeubles, ce qui fait que c'est une ville très... En effet, même la nuit qui reste lumineuse, mais relativement calme, quoi. Enfin, ouais. Oui, c'est tamisé. C'est pas la grosse ville. Ce qui fait que, bon, c'est vrai que même si on n'a pas testé encore, et que du coup, on ne peut pas savoir, mais tout ce qu'on aime à Kyoto, et qu'on n'aura pas du coup à Tokyo, je pense que cette ville va être un peu éprouvante pour nous. Donc, on verra bien. Ouais. Mais là, les gens qui parlaient autour de nous, là, qui faisaient le tour en même temps que nous, il y avait notamment quelqu'un qui disait qu'il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de voitures, enfin que c'était vraiment genre hyper violent, quoi. Je pense que c'est New York x 10 dans l'impression que ça doit donner, parce que... Je pense que après Tokyo, il doit y avoir peut-être des petites banlieues agréables, en fait. C'est ce que disait Nam, donc eux, ils restaient plutôt à l'extérieur. Oui. Vu que t'as le système ferroviaire est extrêmement bien foutu, mais ça va être hyper facile. Je pense que c'est pas le RER A. Ah. C'est juste que c'est très cher, quoi, le métro. Le tour était... Enfin, c'était pas inintéressant, mais on n'a pas appris grand-chose au final, parce qu'on s'est baladé dans un quartier qu'on connaissait déjà, qu'on aurait pu faire tout seul, enfin, tu vois. Oui, on a beaucoup marché. À part sur les geikos, où en effet, on a appris des choses qu'on ne connaissait pas, notamment le fait que quand il y a un commerce qui est un commerce habituel des geikos, il y a des petits éventails aux fenêtres, enfin, ce genre de petits détails qu'on n'aurait peut-être pas su autrement. Enfin, qu'on aurait pu savoir autrement peut-être en lisant des choses, mais enfin, en tout cas, que voilà, qui était intéressante. Après, on n'a pas non plus appris des millions de trucs comme ce qu'on a pu apprendre dans certains autres Frigo-Kin tours qu'on a fait, mais ça restait quand même chouette, enfin, tu vois. Mais malheureusement, je ne suis pas beaucoup plus avancée sur ma connaissance ni du Japon, ni de Kyoto, quoi. On voulait éviter de devoir lire des choses, et au final, on n'y arrivera pas. Il va falloir qu'on regarde le Wikipédia. Et il n'y a pas... Où il n'y a pas de musée, quoi. Enfin, dans beaucoup, beaucoup de villes qu'on a visitées jusqu'à maintenant, pas depuis notre tour du monde, mais globalement, il y a toujours un musée d'histoire. Enfin, il y a souvent un musée d'histoire. Et le musée national de Kyoto, tu penses pas que... Ben, je crois que c'est un musée d'art. Ah bon ? Je pensais que c'était un musée... Il me semble que c'est un musée d'art japonais, du coup, donc qui est très intéressant. Mais je crois pas que ce soit historique. Mais on verra, il y en a un aussi à Tokyo, donc on verra ce que c'est. De tous les cas, on n'a pas pu le visiter, celui de Kyoto, parce qu'il était fermé pour rénovation. Donc, c'est vrai que surtout que ils sont très subtils dans tout un tas de choses, enfin, tu vois, de rites, de rituels, tout ça, enfin, des trucs. Du coup, ça ne nous a pas plus avancé pour l'instant. Voilà. Là-dessus, ouais. Bon, on aura appris certaines choses, mais. Il faut qu'on cherche par nous-mêmes. On était un peu fignants, on voulait que l'information vienne à nous. Ben non, mais moi personnellement, je retiens un peu plus quand je suis devant la chose et qu'on me l'explique. Mais c'est sûr. Je peux lire, de lire quelque chose, si c'est parmi plein d'autres trucs hyper denses, puis même les panneaux qu'on a lus. Ouais, c'est très compliqué souvent. Hein. C'est très complexe, c'est dense. Pour peu que. Alors, c'est pas forcément de leur faute, mais il y a des fautes de grammaire anglaise ou des trucs comme ça qui, des fois, te perdent complètement. Donc, puis ils ont fait un truc qui est hyper joli mais qui est pas du tout agréable, c'est que la majorité des panneaux qui sont devant les temples et trucs comme ça, c'est gravé sur du bois, donc c'est magnifique, enfin du coup ça évite d'avoir une espèce de panneau en plastique moche, quoi, et donc du coup avec les intempéries, le vent, tout ça, ça s'altère un peu et du coup on voit moins les caractères, donc c'est vrai que quand tu as je sais pas moi 25 lignes à lire sur ce support, tu te perds vite, quoi. Enfin, déjà, lire en anglais, c'est quand même pas notre langue maternelle, donc même si on le lit très bien, c'est plus fatigant, ça demande une attention plus importante. Et en plus, si tu le lis pas très bien visuellement, enfin, c'est pas facile. Bon, c'est pas des excuses, on pourrait très bien s'en sortir et faire des choses. Hein, mais... Ouais, c'est joli, tiens. Je me suis vomi. Oui. Tout à l'heure, on a réussi à prendre des petits de pâtisserie avec nos contenants. Deux fois. Et oui, mon gars. On a réussi à faire du sans plastique, donc on est content. Très content, comme quoi. C'est pas si facile, mais en fait, ça peut se faire. Il faut juste qu'on fouine un petit peu plus, quoi. Donc, voilà, on a eu des petits mochis qui étaient délicieux. Enfin, on en a goûté qu'un seul, mais pour l'instant, qui étaient délicieux. Et ensuite, on a notre petit déjeuner pour demain. J'adore la texture, quoi. Cette texture de riz gluant. Je crois qu'on a déjà dit qu'on kiffait bien. Ouais, je crois. Et... Sinon, fun fact, on a dans le groupe, il y avait une Australienne qui du coup m'a demandé d'où on venait et tout ça, et elle m'a dit ah mais vous parlez hyper bien anglais. Bon, ça, c'est toujours, ça me fait toujours marrer quand les gens... Qui nous a dit encore la dernière fois Ah bah oui, c'était au truc de papier, au musée de la photographie, où il nous a demandé d'où on venait et il nous a dit du coup ça vous va si je parle en anglais. Bon, on a réputation d'a priori de pas très très bien le comprendre et parler anglais, les Français, sachez-le. Bon bref, et donc elle m'a demandé combien de temps on restait au Japon, donc je lui ai dit qu'on restait 3 mois, donc elle était hyper impressionnée et tout. Je lui ai dit qu'on était en tour du monde et que juste avant on avait fait du coup l'Asie centrale, et elle me dit mais oh, c'est incroyable tout ça, c'est les, vous êtes les premières personnes que je rencontre qui ont fait ce genre de pays. Je lui ai dit mais vous devriez y aller, c'est très cool. Elle me dit ah non non non mais j'aurais trop peur. Je lui ai dit, non mais en fait c'est hyper safe, et c'est fou quand même que c'est cette réputation d'insécurité. Alors qu'il y a des pays, je comprends, parce que des pays qui sont en guerre notamment, je comprends que ce soit un petit peu voilà. Donc tu sais le risque que tu prends. Mais vraiment, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, enfin en plus ça n'a jamais été un pays qui oui, dangereux. Enfin ça n'a jamais été des pays dangereux. Donc ben, c'est vraiment une. C'est vert. Juste parce que c'est en ce temps. C'est vert dans la suite de la diplomatie. Hein. Ah oui, oui tout plus, à fait. C'est juste parce que c'est assimilé, je pense, en effet, à l'Afghanistan et tout, enfin dans oui, l'esprit ben des gens. C'est en ce temps quoi. Voilà. Donc. Mais ce n'est pas du tout. Tout va bien quoi. Elle était surprise qu'on y soit allé sans rien organiser et que voilà. On a croisé Nam tout à l'heure. Il est allé à la pharmacie. Il est malade, le bichon. Un petit rhume. Non, mais en vrai, c'est quand tu prends l'avion, enfin, moi je comprends, nous on le fait pas ouais. Ce genre de truc, mais je me souviens que quand ça nous est arrivé de prendre l'avion et tout, avec la ventilation, la climatisation, l'air est hyper sec dans un avion, c'est vachement désagréable, t'es assoiffé et tout ça, t'as chaud la nuit, enfin c'est vraiment, tu passes par toutes les températures et toutes les sensations, plus le décalage horaire qui fait qu'en général t'as du mal à dormir, ou voilà, bah, c'est vrai que c'est, ton corps il faiblit quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est très content de voyager comme on le fait aussi, c'est qu'on n'a pas tous ces inconforts. On a juste des gens quoi. Qui nous toussent dessus et qui fait qu'on est malade pendant des jours. Oui, parce que tu tousses toujours, hein, donc t'as toujours un peu... C'est la fin, mais ça... Bah c'est, ouais... Ça nous allait rester un peu... Ça nous a resté un peu longtemps, petite histoire. Une petite toux réflexe. Bon. On va aller manger. Oui. Un repas presque zéro déchet. Oui. Enfin non, parce qu'on a... Le pain qu'on a acheté au supermarché hier, qui était emballé dans le plastique. Qu'on va pouvoir réutiliser. J'ai hâte d'être dans la nature avec, et qu'il y ait des déchets pour qu'on puisse se débarrasser de ces sacs en plastique. Moi, bon, sauf quand on est au Japon, quoi. Donc il y a moins ce genre de. Ouais, mais j'en ai vu. On en a vu des déchets. On l'a dit, hein, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Il y avait des araignées, donc je ne suis pas allée. Mais après, à savoir si ces déchets venaient des Japonais, des touristes, tout ça, il faudrait qu'on aille dans des endroits qui sont moins touristiques pour savoir, tu vois, comment est-ce que eux. Je suis quasi sûr que c'est des touristes. Mais... Parce qu'il y a énormément de systèmes de poubelles. Mais c'est-à-dire que le tri chez eux est poussé à l'extrême, là, à côté du supermarché. Ouais. Ce que nous, on mettrait dans une poubelle jaune. Enfin, je sais pas si c'est jaune pour tout le monde en France, mais bon, non. On va dire. Ouais, pour voilà. Les cartons yeah. Ouais, les trucs recyclables, quoi. Enfin, les déchets recyclables. Parce que maintenant, ils ont remarqué séparé le papier, les cartons, le plastique. Mais avant, c'était. Voilà. Mmh. Disons que la poubelle où tu mets tes bouteilles. Tes boîtes en carton, tes tétrapacks, tes machins, tes trucs, eux, c'est genre subdivisé en plein de trucs différents, quoi. Genre les briques, tu les mets que dans un endroit, le reste du papier, tu le mets que dans un endroit, enfin, tu vois, c'est très... Voilà. Les barquettes en polystyrène. Oui, on n'a pas très bien compris. Je pense qu'il est... C'est à eux, en fait, ils les réutilisent ou ils les jettent à part, je sais pas. Peut-être qu'ils les recyclent différemment, je ne sais. Bon. Peut-être, ils ont un système. En tout cas, ça m'étonnerait qu'ils jettent des trucs dans la nature. Non, je pense pas. Fréquemment. Je pense, alors, ils ont beaucoup la culture du plastique, mais je pense quand même... On verra, hein, mais je pense quand même qu'ils veillent à ne pas le foutre dans la nature. Parce que pour eux, la nature est sacrée. Enfin, c'est un peu ce qu'ils disaient tout à l'heure à propos du shintoïsme. Du coup, c'est que, en fait, tout ce qui t'entoure est Dieu. Enfin, avec une divinité, ouais. Voilà. Et tout doit être respecté, et c'est pour ça qu'ils ont... Ouais, ils ont un culte de la nature qui est très, très présent et qui, moi, je trouve très agréable. C'est ce qui manque au monothéisme, quoi. Oui, c'est vrai. Moi, je c'est presque, j'y croirais plus, tu vois, que la divinité du plastique qui nous fait du mal, et puis la petite divinité des arbres... Bah, c'est-à-dire que la nature est en effet tellement pleine de ressources et de trucs incroyables, tu vois, que du coup, tu peux facilement t'imaginer que c'est une puissance particulière, quoi. Non, bah, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui s'expliquent pas. C'est tellement parfait que la nature fait des choses tellement parfaitement. Oui, souvent les scientifiques sont surpris par des mécanismes de régénération, oui, de communication. Bah, on avait entendu pas mal parler de cette histoire de communication entre les arbres par les, oui, racines et tout ça à un moment, oui, donné, et qui avait vachement surpris les gens. Et en fait, oui, la nature est sûrement plus intelligente que nous. Mais même tu prends juste une cellule humaine, le fonctionnement à l'intérieur, l'ADN, et la création même d'un humain. Enfin, tu vois, comment ça fonctionne, que ça part de rien, et que ça... Non, mais c'est vrai, ouais, c'est fou, quoi, quand tu réfléchis. On est en train de digresser, mais de ouf. Oui, bah écoutez, ouais, on a envie de faire un petit peu de philosophie, a priori, ce soir. Oui, parce que hier, ça nous a inspiré, le chemin des philosophes. Chemin ouais, philosophes. Mais même là, se balader dans ces petites ruelles calmes, enfin, c'est l'avantage d'avoir fait ce tour le soir, du coup, c'était quand même relativement calme, une fois, oui, qu'on était parti du Grand Axe, et là où... Il y avait plein de monde en journée, quasiment personne. Et c'était chouette avec le petit son des grillons. On aime que toi. Ouais, ça va être dur de partir. Même si je pense que ça va être chouette là ce qu'on va voir. Je pense que Nara, ça va être génial. Je pense que quand on va être à Choucoucou, on va être super content d'être à Choucoucou aussi. Ouais, pour aller voir aussi la fabrique de papier. Aussi. Après, si le reste nous plaît pas, tu vois, on bougera. Bah oui. Et puis si on fait pas tout et que... On revient à Kyoto, bah on revient à Kyoto, tu vois. Ouais, oui. C'est ça la vie, c'est la chance qu'on a. Faut aller faire la bambouserie quand même, j'aimerais bien la faire. Donc si on la fait pas cette fois-ci, faut qu'on revienne pour la faire. C'est sûr qu'on va revenir à Kyoto. Alors, on est le 25 octobre. Peut-être. Si, non, si, on est le 25 octobre 2020. Sur ton micro. Oui, il y a la date. Et nous sommes à Inari. T'es levé à 6h15 du matin. Oui, pour pas qu'il y ait trop de monde. C'est pas facile. Mais c'est très joli. Quand même. Là, on est en fait dans la forêt. Donc, nous sommes dans un immense sanctuaire Shinto. Avec plein de petits... Un hôtel ? Non, t'as pas ouais, des petits hôtels de prière. Ouais, ouais. Sûrement. Mais il y en a beaucoup. Il y a aussi beaucoup là des statues de renards. C'est assez impressionnant quand même. Ça me fait beaucoup penser forcément au film Lost in Translation. On l'a toujours pas revu alors qu'on est arrivé au Japon depuis, oui, 15 jours. Mais là c'est bon, je l'ai retrouvé sur Netflix. Ah, il y a des petites et des grandes portes. Et donc dans Lost in Translation, il y a une scène où elle va se balader à Kyoto. Sûrement ici en fait, ça ressemble beaucoup. Avec une jolie musique de R, il me semble. Un des temples aurait commencé à être construit en 711. Donc ça commence à faire un petit moment. Et la couleur, ce qui s'appelle couleur vermillon, qui est... plutôt orange, mais... Pour moi, c'est du orange, mais après, je suis pas très douée en couleur. Hein. C'est assez impressionnant, quand même. De se retrouver là, sous ces portes. Je sais pas combien il y en a, on n'a pas compté. Oui, donc cette couleur, a priori, dans les croyances, c'est pour éviter... ça repousse la magie. Et en plus, c'est un signe, c'est le symbole de la force de la vie. C'est beau ce que tu dis. Oui. Il y a encore des singes. Hein. Il y a des singes. On va voir des singes. Est-ce qu'ils sont farceurs ? Un petit parapluie. Oh. J'aime bien parce que du coup, il pluviote. Petite brume. Je pense que c'est le temps parfait pour visiter ce genre d'endroit. Ah, mais complètement. Un peu brumeux, un peu pluvieux de temps. C'est brumeux, tu sens que c'est bien humide, la végétation bien touffue. Et il y a des érables là qui commencent à être un petit peu rouges, mais ça reste quand même très vert. Ça va, c'est plutôt calme. Il y a des gens, mais ça reste supportable, je pense, parce qu'apparemment la journée c'est l'enfer, quoi. Ouais. puis là, les gens sont encore calmes parce que c'est le matin, ils ont un peu la tête dans le cul. Il n'y a pas d'enfants. Oui. Ils sont en train de prendre leur choc à pic. Il y a une petite... On longe une petite rivière. Tout en étant... En traversant les portes. Tori. Donc en fait, à chaque fois qu'on passe une porte, on passe du profane au sacré, du profane au sacré, du profane au sacré. Comme... Je sais pas. Moi. Il y en a qui sont un peu pourris à la base. Ils ont pas trop... Ouais. Résisté au temps. Oh, il y a des gens bruyants devant. Une petite araignée. Regarde-moi. Et on va avoir plein d'araignées. On a vu un hôtel de prière dédié au dieu Senten, qui a été érigé en 1941 pour que la guerre puisse se passer vite, la paix revienne rapidement, et ça n'a pas très bien marché, quoi. Pourtant, ils ont mis beaucoup d'efforts à le construire, hein. Mais... Depuis, enfin, y a plein de petites statuettes de renards. C'est très mignon. Toujours ces petites plaques avec des vœux en bois. Et aussi des vœux en papier noués. Et aussi des gens qui parlent fort au téléphone. Oui, mais ça, c'est pas... C'était pas construit avec le temple, mais quand même, faut le dire. Est-ce que c'est pas sympathique, le petit bruit de la pluie, là ? Au milieu de tous ces petites constructions sacrées. Je sais même pas comment définir, j'arrive pas à... Dans ce sanctuaire. Bah, c'est assez différent du vocabulaire classique qu'on a pour le religieux, donc c'est vrai que du coup on connaît pas trop les mots appropriés. Ça donne très très envie d'aller boire un thé chaud sur un petit tatami en regardant la pluie qui tombe, tu vois. Ouais. C'est une pluie méditative. Qui pour l'instant ne mouille pas trop, parce que mon KOA résiste, mais ça va peut-être pas tarder trop longtemps.